Bonjour, bonjour. Alors, comme on l'a annoncé précédemment, on va commencer avec les doléances de 1793 et la déclaration des droits de cette année. Un petit mot tout d'abord, ce week-end se tient une journée thématique samedi sur le TAFTA, le traité de libre-échange nord-américain avec qui est connu sous beaucoup de noms, grand marché transatlantique, etc., etc. Donc on vous invite à venir le plus nombreux possible et à se renseigner là-dessus, car un sujet très très important, lourd de conséquences pour la suite. Autre annonce avant de commencer, demain, il y a un rassemblement pour les SDF, les sans-logis, qui se tient à 10h à l'hôtel de ville. Il faut être le plus nombreux pour soutenir l'initiative. Voilà. On a déjà vu des périscopes sur le sujet, la fan zone, etc. Et donc, tout de suite, je vais donner donc la parole à Sophie pour les doléances de 1793. Sophie, à toi. En fait, je vais donner la parole d'abord à Lucie, qui s'occupe d'une commission doléances, d'ennui debout. Et en fait, les doléances, elles sont pas de 1793, elles sont de 1789, au moment où on prépare les élections pour les assemblées, pour les assemblées primaires et pour les assemblées qui vont envoyer des députés aux États généraux. Donc voilà, je passe la parole à Lucie pour qu'elle explique ce que c'est l'atelier doléances. Et moi, je la reprendrai pour expliquer pourquoi je vais vous parler de la déclaration de 1793 et pas seulement de celle de 1789. Et ensuite, je vais vous proposer qu'on travaille ensemble sur cette déclaration. Bonjour, donc oui, on est la commission des cahiers de doléances et d'exigences de Nuit Debout. On se réunit, on est présent tous les jours sur la place de la République pour recueillir les doléances et les exigences de qui veut, et on peut aussi les envoyer par mail. Et actuellement, on essaye de sortir de la place, donc on va dans d'autres endroits de Paris, on essaye aussi d'aller en banlieue parisienne pour recueillir d'autres doléances et exigences. Et on se met en lien avec les autres initiatives de ce type lancées dans les autres Nuits Debout d'Île-de-France et de France. Voilà. Bon. Alors, pourquoi le lien entre les doléances et la déclaration de 1793 ? Eh bien parce que l'idée de fabriquer une déclaration des droits, en fait, a lieu dans la préparation des États généraux et en particulier dans le cahier de doléances de Paris. Parce que suite aux émeutes de la manufacture qu'on appelle la manufacture de papier peint Réveillon, un certain nombre de personnes sont mortes du fait de la répression policière de ce moment-là, et qu'on a considéré que cette répression trop violente montrait que le pouvoir monarchique ne respectait pas la vie des individus qui s'étaient mis en grève parce qu'on avait fait baisser de manière absolument désastreuse leur salaire, et que du coup leur droit à l'existence n'était plus respecté. Donc on a, à la veille du démarrage à proprement parler de la Révolution française, des événements qui sont analogues à ceux qu'on peut vivre en ce moment, aussi bien sur la question du travail que sur la question du rapport entre l'État et sa violence policière et la manière dont le mouvement social de 1789 réagit, et réagit justement dans un cahier de doléances en réclamant pour la première fois qu'avant que la Constitution ne soit rédigée, on rédige une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sachant que rédiger une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est reconnaître à chaque individu le droit qu'il a à simplement être reconnu comme un être humain à part entière, et qu'il n'y ait plus de hiérarchie avec des hommes tuables et des hommes qui évidemment sont nobles et ne sont pas tuables. Donc on a là un point de démarrage qui est extrêmement important. Cette déclaration des droits en 1789, j'ai commencé par 89, elle est très difficile à obtenir parce qu'il y a un certain nombre de gens qui sont absolument contre à l'Assemblée. Un certain nombre de gens qui prennent conscience que si on fait une déclaration des droits, alors chacun sera doté de repères pour pouvoir juger de la loi. Parce que faire une déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est affirmer qu'il y a des principes qui vont normer la production de toutes les lois à venir. Et donc il y a la possibilité de constamment avoir ce qu'on appelle un critérium, un outil de jugement, pour dire cette loi est juste ou cette loi est injuste. Elle est juste si elle correspond aux normes produites par la Déclaration des droits, et elle est injuste, voire elle n'est pas une loi, si elle ne correspond pas à ces normes. Et puis on sait déjà qu'un certain nombre de personnes qui souhaitent cette Déclaration des droits eh bien, considère que la première chose, c'est ce que j'ai évoqué, c'est qu'on reconnaisse à chacun les mêmes droits et qu'on reconnaisse l'égalité des droits. Donc l'article 1, qui est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement craint par, évidemment, la noblesse qui est habituée à être au sommet de la hiérarchie sociale, mais aussi par tout ce qu'on appelle le lobby colonial, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui ont des plantations dans les colonies et qui considèrent qu'avec cette déclaration des droits, eh bien, les esclaves pourront venir, disent-ils, avec la déclaration des droits à la main pour réclamer leur liberté. Donc c'est difficile de mettre en place cette déclaration des droits, il y a beaucoup de gens qui sont contre, et c'est difficile de se mettre d'accord sur l'énoncé de la déclaration des droits. Et dans l'énoncé de la déclaration des droits de 89, en fait, il y a une chose qui est extrêmement contradictoire, c'est quelle conception on a de la liberté. Parce qu'au fondement de ce qu'on estime être la nature humaine, et quand on parle des droits de l'homme, c'est en fait en considérant que l'homme a une spécificité, et que sa spécificité, c'est d'être doué de raison, et qu'en conséquence, comme il est doué de raison, il est libre. Mais il y a une conception où la liberté, c'est une liberté illimitée. Ça veut dire que finalement, peu importe ce qui arrive aux autres, ce qui est important, c'est de toujours faire son chemin sans se soucier des autres, voire en écrasant les autres. Donc c'est ça qu'on appelle la liberté illimitée, et c'est la liberté sur laquelle s'appuient les libéraux, au sens économique du terme, et qui vont produire des lois qui sont celles de la liberté illimitée du commerce et du profit. Face à cette conception de la liberté, il y a une conception qui est une conception égalitaire, qui correspond donc à l'article 1, et qui est une conception réciproque de la liberté. C'est-à-dire qu'on considère que quand il y a de la domination, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire que je sois le dominant ou que je sois le dominé, alors il n'y a plus de liberté réciproque, et donc il n'y a plus d'égalité, et donc il n'y a plus de véritable liberté qui permet de constituer un peuple libre. Et donc il y a l'idée d'une liberté collective qui fonctionne par la réciprocité de la liberté individuelle. Alors cette contradiction entre deux libertés, elle est dans la déclaration de 89, ce qui fait qu'en 1793, eh bien, on considère qu'il y a besoin de réécrire la déclaration pour faire sauter cette contradiction et faire en sorte que ça soit bien la liberté réciproque qui soit au cœur de la déclaration. La deuxième chose qui conduit également à réécrire la déclaration en 1793, c'est le fait que dans la Constitution et dans la déclaration de 89, la résistance à l'oppression est considérée comme un des droits naturels et inaliénables de l'homme, parmi d'autres, parmi la liberté, la propriété, la sûreté, et il y a aussi la résistance à l'oppression. Et ça apparaît comme du fait qu'il a bien fallu finalement s'opposer de manière radicale au droit monarchique, et donc résister à l'oppression monarchique pour faire la révolution. Mais ça n'empêche que c'est quelque chose qui apparaît résiduel, et que ce que souhaitent la plupart des constituants, c'est qu'il n'y ait plus de résistance à l'oppression, et ils fabriquent eux-mêmes, de 1789 à 1792, un certain nombre de lois oppressives, dont la loi martiale. La loi martiale, c'est le fait qu'on interdit à un groupement de 20 personnes de se réunir sur une place publique, et que s'ils sont sommés de se disperser et qu'ils ne le font pas, ils sont éventuellement réprimables et tuables. Donc la loi martiale, c'est quelque chose d'extrêmement grave, et contre lequel les personnes qui font l'insurrection de 92 vont s'opposer de manière radicale. Ce qui fait que dans la déclaration de 93, on a quelque chose d'extrêmement différent, c'est-à-dire que la résistance à l'oppression n'est plus un droit parmi d'autres, mais c'est considéré comme la conséquence des autres droits de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est la conséquence des autres droits de l'homme? Ça veut dire que s'il n'y a pas de droit de résistance à l'oppression, alors il n'y a pas la possibilité de protéger l'idée même qu'il y ait des droits de l'homme et des normes qui viennent normer les lois positives, et donc de critères pour pouvoir juger de la qualité des lois. Et donc l'affirmation que la résistance est la conséquence des autres droits de l'homme, ça le met comme clé de voûte et comme vraiment point fondateur de la possibilité même qu'il y ait des droits. Autrement dit, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a pas des droits qui sont posés une fois pour toutes, mais que c'est la capacité des peuples à résister à l'oppression qui maintient l'existence des droits dans la société. Autrement dit, on dirait aujourd'hui, dans un vocabulaire qui n'est pas celui de la Révolution française, qu'il faut des luttes pour maintenir le droit, que le droit tout seul, ça suffit pas. Et donc, quand un individu se rend compte que des droits ne sont pas respectés, il lui revient d'alerter l'espace public, de faire en sorte qu'un certain nombre d'opinions se coalisent et qu'il y ait la possibilité effectivement d'organiser une résistance à l'oppression. Cette résistance à l'oppression, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre une forme qui est une forme à proprement parler de débat juridique, et elle peut prendre bien sûr des formes qui sont plus violentes, sachant que quand on n'a pas obtenu les choses sur un mode pacifié, c'est-à-dire juridicisé, en obtenant soit qu'une loi soit détruite parce qu'elle était mauvaise ou opprimante, soit qu'on obtienne une loi qui vienne protéger face à des acteurs qui sont oppressifs, alors à ce moment-là, il y a besoin d'avoir le droit d'insurrection. Or, ce droit d'insurrection, il n'est pas présenté simplement comme un droit dans la déclaration de 93, il est présenté comme un devoir. Et donc, ce mot « devoir », il est absent, mais vraiment complètement absent des déclarations. Et c'est le seul endroit où il y a un devoir d'insurrection. Alors pourquoi on considère qu'il faut mettre le mot « devoir » Eh bien c'est parce qu'on a conscience que c'est pas si simple que ça de s'insurger, que c'est pas si facile de sortir de l'ensemble du corps social et de même simplement alerter, hein, qu'on parle beaucoup des lanceurs d'alerte aujourd'hui. Eh bien, devoir s'insurger, c'est finalement avoir l'obligation de penser à l'ensemble du corps social quand on est confronté à quelque chose qui est particulièrement injuste, qui est particulièrement contradictoire avec ce qui a été déclaré dans le droit. Et on considère que pour pouvoir s'insurger, il ne faut pas simplement être capable de penser une situation, mais de la ressentir, d'être sensible à une situation, de pouvoir faire en sorte qu'on ressent que quelque chose a été abîmé, a été détruit et contradictoire avec la justice. Et que c'est face à cette capacité à ressentir, eh bien, qu'on va être soi-même alerté et qu'on a à ce moment-là soit la possibilité de se taire, mais on sait dans son corps si effectivement il y a injustice et oppression ou pas, soit au contraire de s'insurger, et pour aider les individus à sortir de la servitude volontaire, en fait, on a une sorte de verrou qui est la verrou du devoir, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Quand il y a oppression, on doit s'insurger. Ça veut dire que la liberté, elle est réciproque et que la possibilité de protéger le droit repose sur chaque individu. Donc la conception de la Déclaration des droits de 93, c'est une conception des droits où chaque individu est responsable du maintien d'une société juste grâce au maintien de cette Déclaration des droits et à la possibilité de juger des lois qui sont justes ou injustes. Ça, c'est vraiment ce qui oblige à changer de déclaration, à transformer l'énonciation. C'est le fondement de ce qui va produire cette déclaration de 93. La déclaration de 93, elle dit enfin une chose extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas attendre que l'ensemble d'une société soit opprimée d'une manière sensible pour pouvoir s'insurger. Il faut considérer que si un seul individu est opprimé, c'est par effet de réciprocité l'ensemble de la société qui est opprimée. Et donc, en conséquence, si l'ensemble de la société est opprimée, alors il y a un devoir d'insurrection à avoir par l'ensemble de la société. Donc vous voyez que la conception de la liberté réciproque que j'ai expliquée au début, elle a des effets sur ce que peut être la résistance à l'oppression. Enfin, la dernière chose qui est vraiment différente entre la déclaration de 89 et la déclaration de 93, c'est qu'on considère que la société doit un certain nombre de choses à chacun de ses membres. C'est ce qu'on appelle les droits créances. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a des dettes sociales, non pas des dettes individuelles, mais des dettes sociales, et que la société doit l'assistance, l'éducation à l'ensemble de ses citoyens. Assistance et éducation. Éducation, c'est éducation populaire, donc je ne fais pas vraiment de dessin. Mais c'est l'affirmation que si une société ne donne pas l'éducation à chacun de ses citoyens, alors elle ne peut pas prétendre devenir une société démocratique. Et que, en conséquence, il faut faire en sorte que cette éducation soit réellement accessible à tous. Et puis, en ce qui concerne l'assistance, c'est l'affirmation que, justement, le droit à l'existence appartenant à l'ensemble des citoyens, il faut que chacun des citoyens, eh bien, quand il ne peut pas travailler, quand on est une veuve, quand on est orphelin, eh bien, on ait la possibilité de maintenir son existence, et que c'est la solidarité de l'ensemble de la société via l'impôt ou via d'autres moyens qui va permettre effectivement de considérer que ces droits créants sont accomplis. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que c'est l'affirmation qu'il y a une société qui soutient chacun des individus de la société. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui est perdu parce qu'on a oublié ce qu'étaient les droits créances et qu'on marchandise hein, ce qu'on a transformé en marchandises, la santé, l'éducation et la culture, qui est le dernier point important dans le cadre de ces droits créances. Voilà. C'est pour cette raison-là, donc, quelle conception de la liberté, quelle conception de la résistance à l'oppression et quelle conception des droits créances, que ça me paraissait important de vous parler de la déclaration de 93, bien qu'elle ne soit pas dans notre bloc constitutionnel, contrairement à celle de 1789. Mais il me semble que cette déclaration de 93, c'est celle qui est la plus actuelle aujourd'hui. C'est celle qui nous parle le plus. Et donc, dans la deuxième séquence de ce je ne sais pas comment on appelle ça, un cours, une présentation, dans la deuxième séquence, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'articuler la question des doléances et la question de cette déclaration des droits, et que chacun puisse venir tirer un article, voilà, au hasard. Et ensuite, je vous donne, en fonction de votre article, vous viendrez prendre la feuille qui correspond. Et ce que je vous propose de faire, c'est, à partir des orées, c'est d'indiquer dans l'actualité ce qui vous paraît contrevenir, être en contradiction avec l'article que vous aurez tiré. Et de l'indiquer, soit vous avez déjà un stylo et on utilise votre stylo, soit vous n'en avez pas et on vous en prêtera. Voilà. Donc je vous propose de faire ça. Et une fois que vous avez pris 5, 6 minutes, allez, 7, 8 minutes pour rédiger ce que vous avez à rédiger, ensuite qu'on discute ensemble des différents articles que vous aurez eu entre les mains. Ça vous va ? Bon, on peut faire à plusieurs. Déclaration de 93, voilà, dans la Constitution de 93. Je pense qu'on peut faire une petite explication pour ceux qui n'ont pas tout suivi. On la refait, ou vous voulez la faire ou je la fais ? Alors, avec chacun des articles que vous avez, pour ceux qui en ont, le but ici est de penser l'article et de le mettre en rapport avec un fait d'actualité, quelque chose de contemporain, et voir comment cette déclaration des droits de 93 est, comme il a été dit précédemment, celle qui est la plus actuelle. Comment on peut la mettre en rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui ? Donc voilà, je vous invite à prendre quelques minutes pour y réfléchir. Pour ceux qui peuvent écrire, à prendre peut-être un petit problème logistique au niveau des feuilles. En tout cas, on peut le faire à l'oral. Oui. Ah, je ne sais pas si on en a d'autres. Alors, on va regarder dans la pochette. Ah, voilà. Choisissez. Ah non, mais il faut tirer au sort. Vous connaissez pas l'article 30 de la Déclaration des droits de 93 ? Moi non plus. Alors du coup, ça va être à vous un peu de parler, de me dire dans les articles 1er à 9, il y a des gens qui ont des articles ? On attend encore un peu. Est-ce qu'il y a des choses dans les énoncés que vous avez qui vous paraissent obscures et qu'il faudrait expliquer simplement ? Non ? Tout va bien ? Vous en voulez pas ? Simplement discuter du projet. Vous voulez jouer avec nous ou pas ? Il y a de quoi faire encore. Hein. Non ? Qui ne sont pas normés par une loi. Quand il n'y a pas de droit, c'est arbitraire. Et vous en avez pris, oui. Alors, je vous relis en attendant le préambule. Wow. Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie. Afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le législateur l'objet de sa mission. En conséquence, il proclame la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen. Comme vous voyez, le préambule lui-même, il est au cœur des questions qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on proteste, c'est très rare que les gens fassent référence à une déclaration des droits et disent au nom de quoi ils protestent du point de vue d'une norme. Donc ils ne peuvent protester que par rapport à leur sentiment d'injustice, mais ils sont pas, on leur enseigne pas vraiment la déclaration des droits. À l'école, la plupart du temps, au lycée, c'est pas à cause des enseignants, mais c'est à cause des programmes. En fait, aujourd'hui, la Révolution française, elle est étudiée de manière tellement sommaire qu'on a l'impression que la déclaration des droits est arrivée un peu comme les bébés garçons avec des cigognes qui les ont déposés, et sans qu'on sache comment ça a été produit et pourquoi ça a été produit. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de donner des outils aux citoyens pour qu'ils puissent exercer sa citoyenneté au quotidien. La deuxième chose, c'est pour empêcher les magistrats d'abuser de leur pouvoir. Donc les magistrats, c'est en fait la plupart des gens qui ont qui sont bien sûr aujourd'hui, mais aussi toutes les personnes qui ont des responsabilités dans les différentes administrations publiques. Donc c'est ça qu'on appelle des magistratures. Donc éviter l'abus de pouvoir par les règles qui sont données dans la déclaration des droits. Et éviter la négligence de la part des représentants en sachant qu'est-ce qu'ils sont supposés faire et empêcher qu'ils ne fassent rien ou qu'ils fassent de mauvaises choses. Donc on voit qu'il y a vraiment une articulation avec ce qui se passe aujourd'hui, y compris avec les mauvaises lois qu'on a, aussi bien sur l'état d'urgence que sur la loi travail. Alors, qu'est-ce qu'il veut prendre simplement les premiers articles et puis nous dire ce qu'il en a pensé par rapport à aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a l'article 4, il me semble? Ouais. Donc moi c'était l'article 4, je le relis ou pas? La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale, elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société, elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible. Pardon, désolé. Donc moi c'est un exemple que j'ai trouvé, c'est pas encore accepté. Mais justement, et je suis même pas sûr que ce soit une loi, mais en tout cas c'est un projet qui est défendu par l'Europe. C'est le projet du TAFTA justement avec les États-Unis. Et j'ai trouvé que ce projet ne défendait pas forcément bien les intérêts ni de la France ni de la société française. pour plusieurs choses. C'est, je suis libéral, mais c'est s'allier avec une sorte de géant un peu ultra-libéraliste. Et je trouve que c'est pas forcément ce qui est bon pour notre société. Et surtout, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas discuté. Et les citoyens ne prennent pas assez part à ce débat qui est très très important pour notre politique étrangère et surtout pour le rayonnement de la France dans le monde. Donc voilà, je pense que c'est une loi qui en fait nous fait un peu comme des subordonnés justement des États-Unis, et je trouve que c'est pas forcément très très bon. Bon, alors, c'est évidemment, la loi TAFTA, ça va être effectivement un traité, c'est pas vraiment une loi, mais c'est un peu les mêmes enjeux. Je crois que ce qui est important, c'est le fait qu'une loi ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société. Et évidemment, sur la question de la loi, sur le code du travail, eh ben, on est face à une loi qui n'est ni juste ni utile à la société, qui est utile à d'autres qu'à la société, et qui va plutôt détruire le corps social que le construire. Donc, vous voyez bien que dans cet article 4, il y a à la fois le fait que la souveraineté, donc la production de la loi, doit appartenir à chacun, et le fait que pour avoir un critère pour dire si une loi est une loi, eh bien, il y a cette question de l'utilité sociale d'une loi. Et que quand une loi n'est pas utile socialement, alors ce n'est pas une loi, c'est un objet qui prétend à la nomination de l'égalité, mais c'est une légalité tyrannique. Et quand la légalité est tyrannique, ça s'appelle l'arbitraire, ça s'appelle plus le droit. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a des gens qui ont l'article 5 ou l'article 1, l'article 2, l'article 3, l'article 5, l'article 6, l'article 7, l'article 8, l'article 9. Alors après on passe à 10. Est-ce que quelqu'un le 10? Le 11? Le 11, il me semblait que je l'avais distribué, non? Le 12? Le 13? Vous avez pas ces numéros-là, vous? C'est quoi les numéros que vous avez? Alors 14? Qu'est-ce qu'il y a le 14? Personne? 15. On en est à 15? Allez, 15. Vous venez là, peut-être c'est plus simple. Ok. Article 15. La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires. Les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société. Alors là encore, comme vous venez de le dire, je pense que ça pose le problème de la nécessité et de l'utilité des peines. Ainsi que du calcul de leurs proportions. Moi, ça me fait penser que les prisons françaises, elles sont surchargées en prisonniers et que donc on a un recours systématique à l'emprisonnement comme type de peine. Et je pense que ça pose la question de savoir si l'utilité de la peine, c'est de réhabiliter l'individu, de venger quelque chose qui a été fait contre d'autres individus, ou bien si c'est une façon à l'État de mettre à l'écart certains individus, ainsi que de mettre à l'écart le problème et d'asseoir ainsi son contrôle sur l'ensemble des citoyens. Un autre type de peine que je trouve qui est très inutile, c'est l'amende lorsqu'on touche à l'argent des personnes. Notamment lorsque les amendes se cumulent et qu'on finit par devoir payer 800 € alors qu'au départ on devait en payer que 30, je trouve que ça pénalise les classes les plus populaires de la société et qu'au final c'est juste ça a l'air de montrer que l'État aussi a une sorte de business à se faire sur le dos des citoyens. Voilà, c'est ce que je... Merci beaucoup. Alors ici, les peines doivent être proportionnées au délit et utile à la société, c'est à la fois tout le débat qui a eu lieu au XVIIIe siècle autour de Beccarien sur le fait que on ne devait pas en fait toucher au corps des individus et surtout on ne devait pas les torturer. Et donc la proportion au délit, c'était une manière de vouloir ramener les choses à l'analyse des situations. Mais ce qui est vraiment extrêmement important, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui est nécessaire à la société. Et vous voyez, aussi bien pour les lois que pour les peines, ce qu'on se pose comme question, c'est le contraire du TINA de Thatcher. Le TINA de Thatcher, c'est l'affirmation que la société n'existe pas. Et la déclaration des droits de 1793, c'est constamment au regard de la société, comment on fait société, eh bien, qu'on se pose la question et on se dit il n'y a d'intérêt à avoir effectivement des punitions, des peines, donc ce qu'on appelle des peines de la pénalité, que si ça permet effectivement de faire mieux société. Sinon, ça n'a pas de sens. Il faut trouver autre chose. Et cette autre chose, évidemment, c'est l'éducation. Et donc, il y a quelque chose qui se joue entre l'éducation et la pénalité pour savoir comment faire en sorte qu'une société soit une société paisible ou une société apaisée. Alors ensuite, article 16, qui n'a rien à voir avec celui de la 5e République. L'article 16, le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer de son gré, de ses biens. Ok. Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer de son gré, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. Bon, moi, je trouve que cette loi est en contradiction avec le paiement des impôts. Et le paiement des impôts, et à chaque fois que tu dois... lorsqu'on a un appartement que tu dois vendre, et l'État nous impose des lois. Alors, l'appartement est mon bien. Et je suis libre de faire ce que je veux et sans que l'État réglemente. Alors, sur la question, là, ce que vous avez évoqué, c'est ce qu'on appelle l'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire quand on vend quelque chose qui nous appartient, il y a une partie qui revient à l'État et on n'a pas effectivement de possibilité de refuser. C'est pas inscrit évidemment dans cet article, puisqu'il s'agit de disposer à son gré de ses biens. Et donc aujourd'hui, cet impôt sur la plus-value qui fait qu'on peut pas vendre n'importe quand, il y a toute une série de choses comme ça, effectivement, ça peut paraître en contradiction. Après, la question des impôts, c'est une vaste question plus large. Ce qui me paraît extrêmement intéressant, c'est que dans la question des biens, eh bien, on ne considère pas simplement les biens matériels en tant que tels, soit d'ailleurs un appartement, sa bicyclette ou une entreprise, mais en fait, on parle du fruit de son travail et de son industrie. Et donc, il y a l'idée que on est propriétaire de sa force de travail et que cette force de travail, en fait, ne doit pas être cessible sans le gré de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il doit y avoir des règles qui protègent l'individu, qui le protègent au premier terme de l'esclavage, parce qu'on est au XVIIIe siècle et que l'esclavage, il n'a été aboli une première fois qu'en février 1794. Et donc au moment où on rédige cette déclaration, il n'est pas encore aboli. Donc affirmer qu'on a un droit de propriété sur sa propre personne, c'est déjà une manière de refuser l'esclavage. Mais c'est aussi une manière de refuser d'être à la merci pour employer votre force de travail. Et donc il y a l'affirmation eh bien, qu'on est avant tout normalement à disposer de sa propre personne et qu'on ne devrait pas pouvoir être esclavagisé de quelconque manière. Et donc ce droit de propriété va au-delà de la question des propriétés matérielles. Et c'est en ça qu'il est vraiment radical et révolutionnaire et qu'il affirme que la propriété, c'est avant tout la propriété de soi et pas la propriété des choses. Et que la propriété de soi, c'est ce qui permet de maintenir la dignité. Et là encore, ça se recoupe avec la question de la loi travail, parce que ce qu'on reproche à la loi travail, c'est effectivement de produire une sorte d'esclavage caché, hein, et de rendre effectivement le travail complètement dépendant du capital et à la merci du capital. Une question ou une remarque? Non, c'était sur la propriété. C'était dans la formulation être propriétaire de sa force de travail. Je trouve ça. J'aimerais bien avoir un petit développement là-dessus. Enfin, c'est pas parce qu'en fait, on n'est pas détenteur de ses moyens, des moyens de production. Donc voilà, là, c'était ça. Là. Alors, une déclaration des droits, ça donne les principes, mais ça donne pas immédiatement les formes. Alors, l'imaginaire des révolutionnaires de cette époque, c'est un imaginaire d'autonomie. C'est-à-dire que l'affirmation qui est faite, c'est que les gens sont heureux s'ils peuvent être indépendants. Et donc, en l'occurrence, à ce moment-là, la France est essentiellement paysanne. Il y a bien sûr un monde urbain et artisanal, etc., et un peu de manufacture. Mais quand même, essentiellement, les gens sont des paysans. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse disposer de sa propre petite propriété privée et subvenir à ses besoins dans une frugalité digne. Voilà, c'est ça qui est l'imaginaire. Cet imaginaire fait que, en fait, on affirme que chacun doit justement disposer des moyens de production qui lui sont nécessaires dans un droit à l'existence. Après, la manière de faire en sorte qu'on doit disposer des moyens de production pour ne pas être à la merci de ceux qui peuvent vous employer sur un mode salarial qui vous fait dépendre d'eux d'une manière extrême, eh bien, c'est à réinventer au fur et à mesure, et ça a produit tous les débats du 19e siècle sur comment on faisait en sorte pour que l'appareil productif appartiennent effectivement à ceux qui travaillent, que ça soit sous forme de coopérative, sous forme de communisme, des biens de production, etc. Donc là, bah, je dirais qu'une fois qu'on a posé les principes, la question c'est comment on réinvente effectivement les formes qui permettent d'être en adéquation avec le principe. Article 17, hein ? Non ? Je continue hein, dans la liste. Alors, j'ai une question à poser sur la propriété telle qu'elle est, enfin, dans sa conception de la Déclaration des droits de 93. Est-ce qu'on peut pas y voir une référence à la propriété, comment dire, à un minimum de propriété, un peu comme le voyait Rousseau, où le but est aussi en mettant une forme de limite, de dire on peut pas priver quelqu'un de sa propriété et que chacun ait le droit à un minimum. C'est ça, le minimum étant d'abord sa propre personne et sa propre puissance, et ensuite c'est ce qu'on a réussi à acquérir par son énergie. Voilà. Donc on en était à l'article 15, donc le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 20. Allons-y. Bon, alors, l'article 20, ça parle des impôts et des taxes, ce qu'on appelle les contributions. Et donc, je vais lire, je vais commenter ligne par ligne, parce que moi, je suis pas habituée aux textes juridiques, je préfère faire comme ça. Alors, ça commence. « Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. » Alors ça, c'est une prétention que pratiquement tous les États souscrivent. Hein. C'est certainement actuellement, aucun député va dire que les contributions ne sont pas pour l'utilité générale. L'autre chose, c'est la réalité. La réalité est tout autre. Il y a des subventions aux entreprises, il y a développement du réseau routier qui sert davantage les entreprises que les particuliers. Il y a l'énergie nucléaire qui plombe notre avenir. Il y a les dépenses fastueuses de l'État pour sa mise en scène, etc., etc. Donc, finalement, ça, c'est la différence entre le texte et la réalité. Alors, ensuite, ça continue. Je cite l'article. « Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions. » Actuellement, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget. Le citoyen n'y concourt pas directement, seulement par les élections. Il n'y a aucun autre moyen d'établir les contributions. Alors, ensuite, ça continue. Tous les citoyens, donc, ont le droit d'en surveiller l'emploi. Alors, actuellement, c'est la Cour des comptes qui surveille l'emploi des contributions, et seulement de temps en temps et pas très souvent. Il y a des associations qui se sont créées pour y supplier sans pouvoir réel, sauf éventuellement par les médias. Alors ensuite, ça continue. Et le citoyen donc a le droit de s'en faire rendre compte. Alors actuellement, le citoyen n'a pas accès aux informations sur l'emploi des impôts, sauf éventuellement en écrivant à son député ou en lisant la presse, ils veulent bien nous donner les informations. Alors, je pense aussi que le droit d'établir l'emploi des contributions est aussi ôté des mains des députés par l'Europe, déjà, qui impose certaines dépenses, et par la financiarisation du budget qui donne de plus en plus de dettes et de remboursement de dettes et d'intérêts. Merci beaucoup. Alors, sur la question de l'impôt, d'abord, je voudrais juste rappeler que toutes les révolutions démarrent sur la discussion de l'impôt. que ce soit en Grande-Bretagne, sur la poll tax, que ce soit pendant la Révolution française, le fait qu'il y ait une répartition de l'impôt qui est abominable, avec des écarts qui sont monstrueux, ou que ce soit dans les imaginaires sociaux qui circulent aujourd'hui sur la question européenne, où ce qui est affirmé, c'est que si on veut pouvoir se réemparer de l'Europe, il faudrait qu'on sache comment on fabriquerait un impôt qui nous paraîtrait légitime et une redistribution légitime à l'échelle européenne. Et donc, dans les imaginaires de transformation de cet espace européen, il y a aussi un imaginaire sur l'impôt. Donc, la question du contrôle de l'impôt, c'est la question du contrôle de la souveraineté populaire par excellence. Et c'est effectivement le lieu où il peut y avoir à nouveau une discussion, mais une discussion qui est souvent compliquée parce que on peut avoir une discussion sur l'impôt pour vouloir supprimer l'impôt, et à ce moment-là, on supprime la fameuse société qui est défendue dans cette déclaration de 93 d'une manière extrême. Donc les gens qui sont contre l'impôt, et il y a énormément de mouvements qu'on dit populistes qui sont contre l'impôt ou qui veulent réduire les impôts, c'est souvent aussi des gens qui veulent réduire l'espace de la réciprocité sociale. Donc la question, c'est comment on répartit l'impôt et comment, effectivement, on fait en sorte que cet impôt permettent une redistribution qui fasse fonctionner les fameux droits créances, éducation, assistance, et qui fasse fonctionner la société. Et voilà. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment un article extrêmement important, et c'est un article qui est aujourd'hui à la fois complètement bafoué, et qui est bafoué alors que c'est un des rares endroits où il y a encore la possibilité de maintenir de la vraie souveraineté, et que autant les promesses sur le travail, le chômage, les premiers ennemis qui seraient les financiers, peut-être on est contraint par l'espace européen et global, mais sur la manière dont on refabrique un impôt égalitaire en France, on n'est pas contraint. Et le fait d'avoir falsifié la campagne électorale sur la question de l'impôt en ayant promis un autre impôt, là on est au cœur de ce qui ne fonctionne pas avec notre situation aujourd'hui en France. L'heure va bientôt sonner. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des articles qui paraissent particulièrement importants et qui ont envie de dire ce qu'ils ont? On peut continuer un peu? Ah, on peut continuer un peu, donc c'est bien, on va pouvoir continuer un peu. Donc on en était à l'article. Vous pouvez me rappeler le numéro que vous aviez? 20, donc 21. Il n'y avait pas 21 par là? 22. 23. 24. 25, 26, 27, alors 27, à vous. Et je vous dis ça avant que vous partiez tous, je veux bien récupérer les feuilles parce qu'en fait on a prévu d'écrire un livre à partir de ce que vous aurez dit et de le remettre en forme pour pouvoir remettre en circulation cette déclaration de 93. Juste, n'hésitez pas à vous rapprocher, à vous asseoir, il y a encore plein de places par là, ou même là, hein, il suffit juste d'enjamber la foule, ça devrait le faire. Prenez place, je vous en prie. Tiens, à toi, je t'en prie. Merci. Alors, moi j'ai l'article 27, donc que tout individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. Alors, moi j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Moi il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, je pense à François Hollande, parce qu'en fait, il a été élu, par exemple. Moi, j'estime que quand un homme est élu sur un programme et qu'il ne le respecte pas, je pense donc qu'il vole la souveraineté du peuple, puisqu'il ne respecte pas les désirs du peuple. S'il a été élu sur un programme assez de gauche et qu'il respecte une sorte de programme libéral, on va dire, bah, je pense qu'il vole la souveraineté du peuple. Ensuite, je pense aussi à l'Union européenne. Parce que bah TAFTA, je pense aussi à 2005 le référendum, et en 2005 donc le peuple a voté non à 55% contre l'Union européenne, et pourtant malheureusement ce régime qui roule contre le peuple et pour les riches, oui, mais pour moi c'est un régime. Donc moi j'estime que cette Union européenne a volé la souveraineté du peuple, tout simplement. Alors, cette question de l'usurpation de la souveraineté, ça a à voir avec la définition au XVIIIe siècle de la tyrannie. celui qui usurpe la souveraineté, c'est celui qui s'empare de la souveraineté d'une manière arbitraire et en général par la force, et qui du coup va exercer un pouvoir qui n'est plus de droit gouvernement, ce qu'on appelle un état de droit, mais qui effectivement va être un état tyrannique. Et donc la question, c'est d'observer aujourd'hui qu'est-ce qui nous paraît tyrannique, arbitraire. Et en l'occurrence, ce qu'on peut observer, non pas en France immédiatement, mais ça peut venir, mais en Grèce, eh bien, c'est de voir que eh bien, la souveraineté grecque aujourd'hui n'existe plus, puisqu'il n'y a plus la possibilité pour le peuple grec, pour le Parlement grec, de décider de son propre agenda politique et de ses propres lois, qu'elles sont toutes soumises à ce qu'on appelle la Troïka, et que cette Troïka n'a pas de légalité dans les institutions européennes. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un membre du FMI, un membre de la Banque européenne et un membre du Conseil européen qui décide pour la Grèce, ce n'est pas quelque chose qui est légal. Ça n'est même pas présenté comme légal. Et donc là, on est vraiment dans la question de l'usurpation de la souveraineté. Et c'est une question qui me semble importante d'observer, pas simplement en France, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté, elle n'est pas simplement nationale. Elle est de savoir comment les relations se font de peuple à peuple pour faire respecter, effectivement, chacun des peuples souverains. Et le problème actuel, c'est que dans l'espace européen, il y a usurpation de la souveraineté de chacun des peuples, mais il y a aussi une incapacité de chacun des peuples à se montrer solidaire à l'égard des autres dont on a usurpé la souveraineté. Donc là, il y a vraiment des enjeux qui sont importants. Articles 28, 29, 30... Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Et bah, nous, on s'est demandé qu'est-ce que c'était les fonctions publiques, en fait. Au départ, on pensait aux élus, aux gens qui ont des mandats en région ou en locaux à vie. On se demandait si c'était ça, la fonction publique. Après, on s'est dit, sinon, les fonctions publiques, ce seraient les fonctionnaires. Du coup, est-ce que les fonctionnaires ne devraient pas être permanents? Voilà, pas une récompense. La fonction publique n'est pas un rôle incarné par un ou des individus au-dessus de tout. On se disait que ça voulait peut-être dire ça. Mais le rôle, la fonction du public, la fonction de tous. Voilà, on pensait sinon par rapport à l'idée de récompense à des généraux ou des maréchaux qui avaient été portés au pouvoir plutôt parce qu'ils avaient été de bons guerriers. Alors, ce qu'on appelle les fonctions publiques, c'est en fait ce que j'ai appelé tout à l'heure les magistratures, c'est-à-dire le fait d'être juge de paix, d'être membre du conseil municipal, d'être membre du conseil départemental, on appelle ça à ce moment-là des directoires de département, d'être toute une série de fonctions dans la justice et dans ce qui permet de produire un espace de pouvoir exécutif. C'est ça qu'on appelle les fonctions publiques. Alors, évidemment, d'une manière très large, ça peut devenir effectivement les fonctionnaires. Et effectivement, il y a un grand soupçon chez les révolutionnaires français sur les fonctionnaires qui pourraient se croire au-dessus des citoyens. Et donc, il y a l'idée que c'est pas parce qu'on est derrière un guichet, on dirait aujourd'hui, qu'on a la possibilité d'abuser de son pouvoir de fonctionnaire face à l'usager, face à la personne qui vient demander quelque chose dans une situation publique. Et donc on est là dans l'idée que quand un fonctionnaire se met au-dessus d'un citoyen, alors il est dans une position tyrannique et qu'il ne faut pas le laisser faire. Évidemment, rien n'est idyllique et dans la période révolutionnaire, au moment où on rédige cette déclaration des droits, on a déjà constaté qu'il y avait une notabilisation de ces fonctions publiques. C'est-à-dire que ceux qui ont un petit pouvoir très rapidement abusent de leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'on écrit cet article-là. C'est de manière à dire, en fait, vous avez été élu, choisi par, effectivement, les assemblées primaires, ceux qui votent pour désigner ces fonctionnaires, mais ça ne vous donne pas de pouvoir de supériorité. Et donc, il faut le rappeler, parce que c'est quelque chose qui vient spontanément, parce qu'on vient d'une société, qui est la société d'Ancien Régime, qui était extrêmement stratifiée et hiérarchisée, et qui produisait comme ça une espèce de cascade de pouvoir et qui conduisait à ne pas faire société, mais à considérer qu'on obtenait un poste parce qu'on était effectivement récompensé pour service auprès de quelqu'un qui était au-dessus de vous. Et donc c'est cette logique des stratifications et des bons et loyaux services dans des rapports hiérarchiques qui est remis en question. Et c'est l'affirmation que la fonction publique ne doit pas reproduire ce genre de hiérarchie qui existait sous l'Ancien Régime. Autrement dit, la fonction publique ne doit pas reproduire des rapports de cours, des rapports curieux. Le fait qu'il y ait des hiérarchies constantes, des stratégies pour obtenir un poste, etc. Et donc que ça doit être considéré comme un effort d'être fonctionnaire, parce que c'est un service à rendre à l'ensemble de la société. Et c'est pour ça que la fonction est temporaire. On ne va pas faire ça toute sa vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui soient les juges de paix, par exemple. Un juge de paix, il faut que ça tourne, parce qu'il a des points de vue différents et que chaque individu est singulier. Et que dans une petite communauté d'habitants ou dans une communauté à l'échelle d'un département, que ces fonctions-là ne soient pas toujours occupées par les mêmes. Alors, ensuite, article 31, 32, 33, 34... Je sens qu'il y a des gens qui ont des articles qui ne m'ont pas dit. Et 35. Bon, alors on arrive au bout. Donc je vais commenter pour conclure l'article 35 que j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors, quand le gouvernement viole les droits du peuple, pour que le peuple puisse le savoir, il y a deux choses. Il le sent. Parce que l'affirmation qui est faite, et là, depuis 1789, c'est que chacun sait dans son corps s'il est ou non opprimé. Autrement dit, c'est un rapport sensible. On n'a pas besoin d'avoir les mots pour le dire, on a besoin de le sentir. Et ce que dit l'abbé Seyès quand il prépare l'article sur la résistance à l'oppression, c'est que quand on est opprimé dans son corps, on sent quelque chose comme un joug, comme quand on parle de mettre un animal sous le joug, et que ça réveille en chacun des individus, ça c'est d'un optimisme absolu, la flamme du désir de liberté, et que quand il y a oppression, ça ne fabrique jamais un droit, mais quand il y a résistance à l'oppression, ça fabrique toujours du droit. Autrement dit que le droit, c'est quelque chose qui se fabrique en fonction des situations d'oppression. C'est pour lutter contre les oppressions qu'on fabrique du droit, et donc la logique du droit, c'est une logique toujours de résistance à l'oppression, c'est-à-dire de fabriquer des protections contre les possibilités d'oppression. Ce qu'on vient de voir avec la question de la fonction publique juste avant. Un fonctionnaire pourrait se croire au-dessus des citoyens, donc on fabrique un article dans la Déclaration des droits pour dire non, non, non. Voilà. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir que le droit, c'est pas quelque chose qu'on va inventer parce qu'on veut absolument tout organiser dans une société. Non, on va repérer là où il y a du conflit, où il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, où il y a des sentiments d'injustice, où il y a le sentiment d'être opprimé. Et à ce moment-là, on va fabriquer le droit adéquat qui va permettre d'empêcher les dominants de dominer, et d'empêcher les dominés d'être dominés, et donc d'empêcher que la société soit oppressive. L'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. Alors pourquoi chaque portion du peuple ? Chaque portion du peuple, parce que... Par là ? Chaque portion du peuple, parce que pour avoir l'ensemble du peuple, comme vous savez, c'est quand même extrêmement difficile. Donc l'affirmation, c'est que simplement, au XVIIIe siècle, il y a l'idée qu'un seul peut avoir raison contre tous. Et donc si un seul peut avoir raison contre tous, cette portion, elle peut même être limitée à un seul citoyen. Ce un seul, c'est aujourd'hui le lanceur d'alerte, qui s'appelle Snowden ou qui s'appelle autrement. Hein. Donc un seul peut avoir raison contre tous. Ensuite, un petit groupe peut avoir raison contre tous. Nuit debout, dans toute la France, c'est un tout petit groupe, mais peut-être que Nuit debout a raison contre tous les autres. Et puis, une portion du peuple, ça veut dire que, eh bien, il suffit qu'il y ait un petit bout du peuple, comme par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, les résistants, on dit 10%, c'était sans doute un tout petit peu moins, eh bien, il suffit qu'il y ait 10% d'une population qui soit capable de résister, et dans une certaine mesure, ça sauve l'idée de peuple. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le peuple ou une portion du peuple. Et du coup, ça permet de se donner du courage aussi quand on est seul. Parce que quand on est 1%, 2%, 5%, 10%, merveilleux, mais enfin quand même, ça fait toujours pas la maille par rapport à ceux qui sont simplement du côté du comptage. Eh bien, quand on sait qu'une portion du peuple peut sauver l'idée de peuple et la possibilité d'une souveraineté à reconquérir, alors ça donne du courage. Mais ce courage, si on l'a pas, et c'est la dernière partie de l'article, eh bien, on affirme qu'il y a un devoir d'insurrection. Parce que effectivement, c'est parce que on est compte de ce que vous donne la société, qu'on doit quelque chose aussi à la société, et la seule chose qu'on doit à la société en tant que peuple ou comme portion du peuple, c'est de la sauver comme société en s'insurgeant quand elle est en train d'être détruite. Voilà. Et donc ensuite, tous les droits qui sont analogues au droit de résistance à l'oppression, qui vont être inventés au XIXe siècle, le droit de grève par exemple, mais aussi d'autres types de droits que je n'énumérerai pas, eh bien c'est des droits qui en fait disent cette capacité à sauver l'ensemble du groupe en étant capable d'avoir le courage de se lever. Et donc Nuit debout, c'est évidemment l'idée qu'on est debout, qu'on se lève, et qui a la possibilité effectivement d'exercer ce devoir de résistance à l'oppression et d'insurrection. Merci beaucoup. Oui. Ceux qui ont des feuilles ou des stylos, si vous pouvez venir les récupérer, les rendre, excusez-moi, si on peut les récupérer. Voilà, n'hésitez pas, venez. Je vois des feuilles qui traînent. Merci. Je voulais juste vous signifier à tous que donc il y a un média d'Angleterre qui filme. Donc pour ceux qui veulent pas être filmés, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais soit décalez-vous et puis s'il y a beaucoup de personnes, on peut faire une zone où il y a pas de, où c'est pas filmé. Non, c'était juste pour préciser, en fait, les gens qui filment, donc c'est la chaîne Al Jazeera Angleterre, parce que ce soir, il y a une intervention de Kevin Popple, et donc ils font quelques images un petit peu contextuelles avant l'intervention de ce soir. Donc, voilà. Bon bah du coup merci beaucoup à Sophie pour cette intervention. Ah, il y a une question peut-être pour terminer. C'était à propos de, vous avez cité CIS. Pour les droits d'insurrection, quoi, je suis assez surpris, c'était quand même pas un chantre de la démocratie. C'était plutôt un grand lecteur de Hobbes et surtout de Montesquieu, c'était plutôt un chantre du libéralisme. Et ce qu'il prenait, c'était quand même le suffrage censitaire. Donc, après, ouais, d'accord, très bien. Je suis un peu surpris, quoi, quand même, par. Alors, c'est une bonne question parce que CIS, c'est vraiment un cas. Mais en 1789, c'est un des plus radicaux. C'est-à-dire que qu'est-ce que le tiers-État et ce qui se passe ensuite quand il est dans les commissions. De la préparation de la déclaration des droits, il a des positions très radicales et en particulier cette capacité à dire que le droit véritable vient de la résistance à l'oppression. Et donc il y a quelque chose, voilà, donc on est au début et c'est le moment le plus radical de la révolution, c'est le moment le plus radical de CIS, ensuite il va être de plus en plus... voilà. C'est pas son truc, mais en même temps, il y a quand même l'affirmation que chaque individu, il y a quand même l'idée que le droit est attaché à l'individu et que chaque individu est responsable pour la totalité. C'est quand même, du point de vue théorique, c'est vraiment très radical. Il ne s'agit pas de faire de CIS un emblème, mais de regarder les textes, et en particulier celui-là, qui est un texte extrêmement intéressant, ça s'appelle « Exposition raisonnée sur la déclaration des droits » et sur la question du droit de résistance, il n'y a pas plus radical en fait en 89. Comment ? Il faudrait pouvoir voir un de ces textes. Ouais. Vous voulez, je peux vous. Si vous avez encore 2 minutes, je vous le trouve. Hein. J'ai amené ce qu'il fallait. Ça donnera déjà. D'accord, c'est. Ouais, d'accord. C'est le titre de. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est la Révolution française. C'est plus de la Révolution française. Bah, ah, bah, ça peut être. Non, mais. Je pense qu'on peut éviter de faire un débat sur CIS. Effectivement, c'est quelqu'un qui a différentes opinions. Merci à tous. Et donc, je vous rappelle qu'on publiera dans un livre qui va s'appeler... comment on l'a appelé déjà ? Je ne me souviens plus. Je crois que c'est la résistance à l'oppression et la conséquence des autres droits de l'homme. Et c'est aux éditions Excès, et ça va sans doute paraître en octobre. Et donc il y a les ateliers qu'on fait dans des nuits debout, d'autres qu'on fait dans des lieux culturels, et avec l'ensemble de ce que vous aurez produit, on va produire un commentaire de cette déclaration des droits. Et c'est une série d'affiches de graphistes qui sont des très bons graphistes, qui s'appellent Forme Vive, Adrien Zamit et Nicolas Filoc. Merci. Du coup, on passe à la suite. Ah oui. La boîte à questions, c'est ça ?